Deuxième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des dictatures dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la dictature brésilienne qui dura 21 ans du milieu des années 60 au milieu des années 80. Après vous avoir parlé hier avec Manuel Peloual de l'impact des idées fascistes dans l'Espagne des années 20 et avant-demain de nous souvenir qu'en 1981, un coup d'État raté avait tenté de faire revenir la dictature en Espagne, nous allons ce matin nous plonger dans les années sombres d'une dictature sud-américaine, celle des généraux putschistes au Brésil. Michel Pomared et Gilles Mardi-Rossian nous racontent ce matin, dans leur documentaire, l'histoire de ces différents coups d'État successifs qui plongèrent le Brésil dans la dictature, mais aussi de la difficile mémoire de ces événements dans le Brésil d'aujourd'hui. Avec la cinéaste Lucia Marat, Victoria Grabois, Gilberto Rodriguez Pimentel, Fernando Gabeira, Wadi Damous et également l'historienne Maud Chirio, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Marne-la-Vallée. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Brésil, vérité sur la dictature. Michel Pomared, Gilles Mardi-Rossian. Entre 1964 et 1985, le Brésil a connu 21 années de dictature. Contrairement au Chili et à l'Argentine qui ont, dès le retour à la démocratie, instauré des commissions pour faire la lumière sur leurs années de plomb, il a fallu attendre mai 2012 pour que le Brésil se penche sur son passé douloureux. La présidente Dilma Rousseff installe alors la Commission nationale de la vérité. Le 10 décembre 2014, elle reçoit le rapport final de cette commission. Un texte qui comprend 3 gros volumes et atteint 4300 pages. Il nomme les noms des 434 morts et disparus, soit 73 victimes de plus que le précédent recensement réalisé en 2007. Un texte qui établit également une liste de 377 personnes jugées responsables de graves violations des droits de l'homme. La liste commence par les 5 généraux qui se sont succédés à la présidence de la République après le coup d'État de 1964, puisque le rapport rejette la thèse d'actes isolés ou d'excès occasionnels et parle d'une politique d'État et d'une action généralisée et systématique. Dilma Rousseff, qui avait été emprisonnée en 1970 pendant presque 3 ans pour ses liens avec la guérilla urbaine, reçoit le récit de ses 21 années de dictature avec émotion. Au lancement de cette commission, j'avais affirmé que le Brésil méritait la vérité, que les nouvelles générations méritaient la vérité. Et surtout, ceux qui ont perdu des proches, des amis et des camarades et continuent à souffrir comme s'ils mouraient à nouveau chaque jour. La Commission nationale de la vérité a fonctionné avec des commissions régionales. Celle de Rio fut dirigée par Wadi Damous, président de la Ligue des droits de l'homme à l'Ordre des avocats brésiliens. Il ne cache pas sa déception par rapport à l'impuissance de la présidente brésilienne. Olha, presidente, ela se viu diante. Dilma Rousseff a souffert pendant la dictature. De dois sentimentos. En tant que membre d'un mouvement de la résistance, elle a vécu dans sa chair la barbarie de cette dictature. Après avoir été arrêtée en 1970, elle a été torturée pendant 22 jours. Mais bien des années plus tard, alors qu'elle est élue présidente du pays en 2011, elle a obéi au pacte négocié avec l'armée à la fin des années 70 sur l'impunité des militaires. D'un côté, elle initie cette commission de la vérité, mais d'un autre, elle n'a pas l'audace où elle n'arrive pas à obtenir l'ouverture des archives militaires. Muita tristeza e frustração, né? Embora isso seja uma decorrência do nosso processo histórico. À titre personnel, je me sens extrêmement triste et frustré. Como um todo atingida pela parce que la société brésilienne d'aujourd'hui ne se sent pas concernée par la violence des 21 années de dictature. Não há cidadão argentino ainda hoje que direto ou indiretamente não tenha sido vítima da ditadura argentina, ou porque alors qu'en Argentine, tous les citoyens ont un proche qui a souffert pendant le régime militaire, qui a fait 30 000 victimes. E a ditadura aqui foi mais sofisticada e mais inteligente. Ela não agiu au Brésil, só com a força bruta. Comme il y a eu beaucoup moins de victimes, esfera de atuação, les gens no plano ideológico. Ne se sentent pas touchés directement. Aqui se conseguiu convencer boa parte da sociedade, sobretudo os setores de classe média. Dans notre pays, que o Brasil, la dictature a été plus sophistiquée. Teve que ter uma ditadura plus intelligente. Pra permitir que a subversão et n'a pas montré qu'un visage de brutalité. Né, tomasse em conta do país, né? E, enfim, isso ingressou no imaginário dessas pessoas, né? Les militaires ont réussi à faire passer durablement le message, então, ainda que algumas dessas notamment pessoas digam au sein des classes moyennes, com violência, mas elas justificam o golpe. Ou seja, que o golpe que la dictature était un moindre mal pour combattre le communisme. Não permitir que o Brasil caísse nas garras do comunismo. Isso acaba... C'est aussi pour cela que la société brésilienne d'aujourd'hui regarde obstinément vers le futur et ne s'intéresse guère au passé. Un passé, certes douloureux, mais un moindre mal nécessaire. Boa parte, infelizmente, da população brasileira. É o que que eu estou chamando de obstáculos institucionais. Sobretudo a falta de colaboração das forças armadas, né, que foram o principal agente. Ce n'est donc pas étonnant da ditadura, das que la commission de la vérité humanos, se soit heurtée à ce qu'on peut appeler des obstacles institutionnels. Não informaram tudo que sabiam, não abriram. C'est-à-dire au refus de l'armée qui non seulement n'a pas collaboré à ce processus, não hostilizaram, mas também não colaboraram pour faire émerger des réponses quant aux violations des droits de l'homme. É uma série de questões. Mais a tout fait, au contraire, pour ne pas avoir à éclaircir la question de beaucoup de disparus. Sur cette question des disparus, il y a à Rio une association qui lutte depuis plus de 3 décennies pour faire éclater la vérité. Son nom, Tortura Nunca Mais, la torture plus jamais. Sa vice-présidente, Victoria Grabois, ne se faisait guère d'illusions sur le résultat de la Commission nationale de la vérité. Nous, on savait déjà que la Commission de la vérité était vouée à l'échec. C'est moi, mon travail en 2 ans et demi, ce qui est une durée trop courte pour un travail d'une telle ampleur. Se plonger dans 21 ans de dictature, 50 ans après ses débuts. En plus, ils ont choisi d'élargir la période de leur recherche entre 1946 et 1988. Et la commission s'est peu servie de notre investigation. Et quand elle l'a fait, elle ne nous cite pas. Não aceitou o nosso trabalho que eu digo o trabalho. Notre travail à nous a commencé juste à la fin de la dictature, avec les mères ou les femmes de disparus qui demandent justice. Or, cette commission n'a aucun pouvoir pour, in fine, rendre justice à toutes ces familles. É que ela não teve o poder de justiça. Nós, essa relação dos torturadores que a Comissão da Verdade colocou 377 partiram daqui, porque pelo menos. Pour revenir à l'action de la Commission de la Vérité, que tem o Adidamus, elle a utilisé les 17 DVD que nous lui avons transmis pour identifier les tortionnaires. DVDs, elle aurait pu désigner plus que les 377 noms cités dans son rapport, eles chamaram alguns torturadores, car on lui en a donné d'autres. Porque nós indicamos, indicação do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Nós denunciamos em 1992. Nous lui avons indiqué le nom des médecins légistes qui falsifiaient pendant la dictature des avis de décès en mentionnant par exemple arrêt cardiaque. Alors qu'il s'agissait de personnes qui étaient mortes sous la torture. E esses médicos deram atestados falsos, dizendo que eles morreram do coração, que eles morreram de meningite. Mas esses médicos legistas não aparecem no rapport final da comissão. Minha força vem deles mesmos, dos três que são desaparecidos. Quanto a mim, eu perdi meu pai. J'ai perdu pendant ces années de dictature trois proches. Meu irmão, mon père, aquele lá em cima. Mon frère. E meu primeiro marido, et mon premier Gilberto Olímpio. C'est de ces trois disparus que je tiens ma force. Je continue la lutte qu'ils n'ont pas pu mener. Vous savez, je suis militante depuis que je suis toute petite. Fui criada numa casa de comunistas mesmo, não comunistas mesmo, de viver. Mes parents étaient communistes et j'ai grandi avec cet idéal de société solidaire. Mais je n'appartiens à aucun parti. Je n'arrive pas à m'identifier à l'un ou à l'autre des deux partis de gauche. Mon combat, c'est aussi pour un pays meilleur. Certes, nous avons un pouvoir de dénonciation, mais notre lutte, c'est celle en faveur de la vérité. Nous avons mis en lumière les crimes de la dictature. Mais aussi, la violence de la société d'aujourd'hui. A gente também denuncia as graves violações que acontecem na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. O nosso trabalho é muito pouco. La jeunesse a besoin de savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe dans notre pays. Pequenos grupos, vamos dizer, até que vêm aqui, que nos procuram, que têm professores que se interessam. J'ai été critique du travail de la Commission de la Vérité, mais force est de constater que depuis deux ans, nous avons rencontré beaucoup d'enseignants qui sont venus nous voir, nous ont envoyé des élèves et nous mettons à leur disposition des archives papier et numériques pour que la jeune génération comprenne l'histoire récente du Brésil. La jeune génération, c'est aussi à elle que s'adressait ce reportage de la Globo. Globo, c'est aujourd'hui le groupe de médias le plus puissant du pays. En 1965, c'est d'abord une télévision créée juste après le coup d'État et qui se met au service de la propagande des militaires. Exemple avec ce reportage de 1975 sur l'état du pays juste avant le coup d'État. À peine 11 ans. Et le Brésil souffrait une de ses Il y a de cela peu de temps, 11 ans en fait. Le Brésil traversait une de ses pires crises. Nombreuses grèves à répétition, menaces de guerre civile, chaos presque incontrôlable, détérioration économique et financière, indiscipline dans les casernes militaires, une inflation galopante qui poussait à la hausse chaque semaine les prix de toutes les denrées. Le pays vivait des moments terribles. Les jeunes aujourd'hui ne se souviennent pas de cela. Ils étaient encore enfants alors. Nous étions dans un contexte d'incertitude. Le Brésil est un pays infirme. Voilà ce qu'on disait de nous à l'étranger. Bientôt, ce sera une nouvelle Indochine. Le géant est à genoux. Voilà quelle était l'opinion générale il y a 14 ans. Mocirio est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle est spécialiste de l'histoire récente du Brésil. Elle revient sur l'état du pays en 1964. Il est dans un état de grande tension politique. Le gouvernement en place, qui est le gouvernement, un gouvernement travailliste du président Jean Goulart, est installé depuis 1961. Son installation a été déjà difficile parce qu'il n'est pas arrivé au pouvoir en étant porté directement par les urnes. C'était le vice-président initialement, mais le président, qui était un président de droite, qui s'appelait Jânio Quadros, a démissionné de manière totalement inopinée. Et selon la constitution de 1946, c'était donc au vice-président, qui était donc un président de gauche, travailliste, d'être investi comme président de la République. Ce que la droite n'acceptait absolument pas en 61, alors que la révolution cubaine a éclaté depuis 2 ans et que les militaires et la droite latino-américaine se convainc que le communisme est aux portes du continent. Et à ce moment-là, les partis de gauche relativement modérés, comme le Parti travailliste brésilien de Jean Goulart, apparaissent comme trop faibles ou complices d'une possible révolution, d'un investissement communiste de l'Amérique latine et du Brésil en particulier. Les militaires disent à l'époque que le Brésil pourrait devenir un grand Cuba, un Cuban, un Cuba massif, un Cuba continental. Donc, depuis 61, le pays est dans une situation de grande bipolarisation, de grande tension politique, qui n'a cessé de s'accroître au cours du mandat de Goulart, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la droite se radicalise, les militaires se radicalisent dans leur position anticommuniste, anti-mouvement populaire, anti-lutte populaire, et parce que le gouvernement lui-même s'appuie de plus en plus sur ces mouvements populaires, s'appuie sur des grèves, s'appuie sur des mobilisations publiques, et que donc le pays est dans un état de grande politisation et mobilisation politique. Dans quel état est l'économie ? Alors l'économie ne va pas très bien dans tout le continent. Le début des années 60 est un moment de crise économique. Or, cette crise succède à une décennie prospère au Brésil en particulier sous le gouvernement de Juscelino Kubitschek, au moment où on a construit Brasilia. Et cette prospérité a créé un exode rural, a créé une nouvelle population urbaine qui est venue travailler dans les villes, qui est venue travailler dans les usines des grandes villes du sud du pays, et qui se retrouve avec la crise économique déracinée de sa terre, sans attache, sans liens familiaux, et d'autant plus sensible et d'autant plus victime de la crise économique qui commence à cette époque-là. C'est vraiment la toute fin du gouvernement Goulart qu'on va avoir des manifestations de masse en faveur du renversement vraiment du président. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les grands médias, les milieux d'affaires et les classes moyennes urbaines sont extrêmement réticentes à ce pouvoir. Elles ont peur pour leur bien, elles ont peur du communisme, elles ont vraiment peur. Et que ça représente des millions de personnes, puisque le Brésil s'est urbanisé et qu'une grosse classe moyenne s'est créée relativement récemment. L'annonce du coup d'état militaire à la radio le 31 mars 1964. Les forces armées, elles-mêmes, se sentant plus que menacées, ont été appelées, ont été réclamées pour accomplir la mission que la situation exige. Rétablir l'ordre et débarrasser le pays des torchons rouges qui menaçaient de l'étouffer. Mocirio, 31 mars 1964, donc coup d'état militaire, mais on n'emploie pas le mot coup d'état militaire, on dit révolution sociale, révolution démocratique. Est-ce que vous pourriez vous arrêter sur ce mot de révolution ou même de contre-révolution, puisque la révolution, c'est celle des communistes qui menacent le pays? Pendant le moment de la conspiration contre le gouvernement Goulart, les militaires parlaient beaucoup de contre-révolution. Leur grand argument, c'était que la révolution communiste arrivait et qu'ils allaient protéger le pays contre la révolution communiste, y compris... le discours des chefs militaires aux jeunes militaires était de dire qu'ils défendaient la Constitution, ils défendaient la légalité en faisant un coup d'État, en faisant une contre-révolution pour défendre le pays contre le communisme. Et au moment où ils sont arrivés au pouvoir, vraiment au moment des premiers jours d'avril, ils ont repris le mot de révolution, donc ils ont retourné leur propre vocabulaire, et c'est pas un mot qui est anodin. Bien sûr, c'est un mot qui est disponible, on ne peut pas parler de coup d'État, donc il faut trouver un autre mot pour parler de ce qu'on est en train de faire. mais c'est aussi un mot qui existe depuis longtemps dans le vocabulaire politique latino-américain, et c'est un mot qui est très positif. C'est un mot qui parle de restitution du pouvoir au peuple, de pouvoir constituant. C'est un mot qui parle de nettoyage, entre guillemets, de la démocratie et de la République contre des élites corrompues, dégradées, immorales. Et les militaires veulent, comme beaucoup d'autres mouvements militaires ont voulu le faire en Amérique latine depuis le début du XXe siècle, faire une révolution qui restitue la République au peuple en s'imaginant être eux-mêmes des espèces de forces morales qui ne seraient pas corrompues comme les élites civiles et qui réussiraient à changer véritablement le Brésil et le porter à sa destinée de grandeur. Bien sûr, tout ça est grande partie de la rhétorique, mais ça correspond à un imaginaire, puisque les militaires brésiliens ne voulaient pas simplement faire un barrage à la révolution communiste, ils avaient aussi l'intention de gouverner et d'exercer le pouvoir, ce qui d'ailleurs ils ont fait pendant 21 ans. Premier acte de ce coup d'État, de cette révolution démocratique, entre guillemets, l'acte institutionnel numéro 1, est-ce que vous pouvez nous en donner l'esprit ou presque la lettre ? Les chefs de la révolution victorieuse, grâce à l'action des forces armées et à l'appui sans équivoque de la nation, représentent le peuple et en son nom exercent le pouvoir constituant, duquel le peuple est l'unique titulaire. Donc ce préambule de l'acte institutionnel montre bien que les militaires entendent gouverner et qu'ils légitiment leur coup d'État par le fait qu'ils sont le peuple. Dans cet acte institutionnel, il y a aussi le début d'un pouvoir d'exception, d'un régime d'exception, puisque c'est un acte institutionnel qui autorise des suppressions de droits politiques pour une liste d'une centaine de personnalités, leaders syndicaux, leaders politiques, etc., et qui suspend un certain nombre de garanties constitutionnelles afin de faire ce que les militaires appellent l'opération nettoyage, c'est-à-dire nettoyer le pays des grands fléaux qui sont la subversion et la corruption dans le regard des militaires. Cet acte institutionnel numéro 1 est suivi d'un autre, en octobre 65, l'acte institutionnel numéro 2. Que dit-il ? Alors l'acte institutionnel numéro 2, il est intéressant parce que c'est le deuxième et qu'il n'était pas censé y avoir un deuxième initialement. Bien sûr, tous les militaires ne sont pas d'accord dès le début. Certains ont justement l'intention de faire de cette révolution quelque chose de plus durable, une réforme beaucoup plus longue du pays, où ils pourraient exercer, y compris une tutelle un peu éternelle sur la démocratie. Mais le discours officiel et ce que pense une bonne partie des élites civiles en 64, c'est que les militaires vont, comme ils l'ont déjà fait dans l'histoire du pays, exercer le pouvoir très rapidement, faire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, et ensuite restituer le pouvoir aux civils, c'est-à-dire n'effectuer que la fin du mandat de Goulart, et ensuite laisser une élection se dérouler, qui probablement, dans l'idée des élites civiles, porterait la droite au pouvoir. L'acte institutionnel numéro 2, il est important en ce qu'il montre que les militaires vont rester. Ils vont rester, l'acte indique que l'élection va être décalée de un an. Donc on repousse le mandat, le premier général au pouvoir qui s'appelle Castelo Branco peut rester un an de plus au pouvoir, reprend le processus de suppression des droits politiques d'un certain nombre d'opposants, supprime les partis, réforme le système judiciaire du suprême tribunal, les suprêmes tribunaux fédéraux et militaires, bref, modifie le système politique, le système judiciaire et donne les conditions pour les militaires d'un régime qui serait un véritable régime et non une intervention. Décembre 1968, Mocheirio, l'acte institutionnel numéro 5 qui durcit vraiment ce régime militaire et qui donne presque le vrai visage de ce régime, la dictature. Senhoras e senhores, boa noite. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Agence nationale du ministère de la Justice diffuse en direct du palais de Laranjeiras un important communiqué du gouvernement fédéral au peuple brésilien. Après s'être réunis, les membres du Conseil de sécurité nationale ont décidé d'instaurer un acte institutionnel qui a comme finalité fondamentale la préservation de la révolution de mars 1964. Oui, c'est la grande rupture du régime militaire. On a même dit que c'était un coup à l'intérieur du coup, c'est-à-dire que c'était presque une nouvelle dictature qui commençait en 68. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que la répression dans les mois qui ont suivi le coup d'État a été très dure, et les forces radicales d'extrême droite, elles étaient là depuis le début, elles ne sont pas apparues en 68. Mais il est vrai que cet acte institutionnel du 13 décembre 68 change radicalement la donne. Elle ferme le Congrès, par exemple, qui était toujours resté ouvert depuis 64. C'est important, un Congrès où une opposition pouvait s'exprimer. Elle donne les possibilités de l'installation d'un appareil répressif tentaculaire. Elle reprend évidemment le processus de cassation de droits politiques, etc. Donc c'est une rupture qui significativement arrive après une année de mobilisation sociale, comme dans plein de pays du monde, des mobilisations étudiantes, des mobilisations ouvrières, qui ont complètement pétrifié les militaires, et une mobilisation qui a réactivé une volonté d'opposition dans la classe politique. Et cet acte, c'est un acte contre la mobilisation sociale, et c'est un acte contre la classe politique. C'est une manière qu'ont les militaires de dire « ce ne sera pas la classe politique qui aura le dernier mot, ce ne sera pas le Congrès qui décidera de ce que va devenir ce pouvoir ». Et c'est donc un acte qui est d'abord destiné à supprimer, à ôter les droits politiques d'un député qui s'était exprimé contre les militaires, qui avait dit qu'il fallait boycotter les défilés de la fête nationale du 7 septembre, qui avait dit qu'il fallait ne pas, que les familles n'aillent pas assister aux défilés militaires et que les jeunes filles boycottent les soldats. C'est-à-dire qu'elles refusent d'avoir des relations amoureuses avec les soldats. Ça avait suscité une colère dramatique à l'intérieur des forces armées. Et c'est donc un acte véritablement d'une institution contre l'autre. C'est l'armée qui affronte le Congrès et qui montre qu'elle gagne, c'est-à-dire que la souveraineté, le pouvoir suprême, c'est les militaires qui le détiennent à ce moment-là. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Lucia Mara est aujourd'hui l'une des cinéastes brésiliennes les plus récompensées de son pays. Elle ausculte inlassablement les années de plomb au Brésil. À l'image de son premier long métrage, tourné en 1989, mélange de documentaire et de fiction sur les femmes torturées sous la dictature militaire. Un film en grande partie autobiographique. En 1968, en effet, Lucia Mara était une activiste de gauche à l'université, puis elle bascule vers la lutte armée. Et quand il a eu l'acte institutionnel numéro 5, il était le 13 décembre, je suis allée à la clandestinité parce que la répression a commencé à chercher tout le monde qui avait une participation plus forte dans les mouvements étudiants. Et à cause de ça, j'étais liée à ce moment-là à une organisation de la lutte armée au Brésil. On faisait de la guérilla urbaine. Et j'étais pendant les années 69 et 70 dans la clandestinité. Il est parti à Rio, il est parti à Bahia. Je suis arrêtée de nouveau en 31 mars, le jour du coup d'État, non ? De 1971. On savait déjà, au fond de nos cœurs, que ça était déjà une défaite pour la lutte armée à ce moment-là, parce qu'il était le 61, beaucoup de gens étaient tués, beaucoup de gens étaient torturés, beaucoup de gens étaient dans la prison. Mais à ce moment-là, j'avais 20 ans. Il était très difficile pour moi de laisser le pays et dire que la défaite était la défaite. Et plutôt parce que tous les gens dans la clandestinité étaient comme des frères, non? Et l'organisation était des frères, était des gens qui étaient comme une nouvelle famille qu'on a créée, non? Eh bien, j'étais arrêtée et je suis emmenée à Doicod, le centre de la torture, à Rio, qui était dans une prison militaire, où était le centre de la torture. Et ces gens-là étaient des militaires, plutôt des militaires, mais aussi des civils, tout ça. Bien, je suis torturée pendant des mois et demi, plus ou moins. Les premiers jours étaient terribles. J'étais très malade. Les premiers jours, j'avais un problème très sérieux avec ma jambe. Que j'ai des problèmes jusqu'à aujourd'hui avec ces jambes-là. Et bien, tout ce temps, il était plus ou moins deux mois et demi. Après 2 mois et demi, j'étais présentée à la justice militaire. Après ça, j'ai resté en prison pendant 3 années et demie, plus ou moins. Mais après quelques temps, mon avocat a réussi. Après un an, dans les deux derniers ans de prison, je n'étais plus torturée. J'étais dans une partie dans la prison militaire, une partie dans la prison civile. Pour moi, on parlait un peu de la mémoire. Et pour la mémoire, ça, c'est très, très important. La commission de la vérité, pour moi, est très, très important. Parce que, par exemple, quand j'ai donné mon témoignage à la commission de la vérité, je me rappelle que j'ai rencontré des jeunes gens à la rue, qu'il était impossible pour eux de dire que moi, j'ai été soumis à ça. Et pour ça, je crois que ça, c'est une grande avance pour la mémoire. Un point de vue que ne partage évidemment pas le général à la retraite Gilberto Rodriguez Pimentel. Il préside à Rio le cercle militaire et joue les porte-parole officieux des forces armées. Hoje, comme em outros países da América do Sul, nós temos um governo de esquerda instalado no país. Ganharam democraticamente no voto, estão aí instalados. Aujourd'hui, au Brésil, nous avons un gouvernement de gauche qui a été élu démocratiquement. Mais ceux qui sont au pouvoir sont une réminiscence de ceux qui nous combattaient il y a 30 ans. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé l'ouverture d'une commission nationale de la vérité. Ici, au sein du club militaire que je préside, nous aurions souhaité que cette commission soit composée de membres neutres, d'historiens, et pas par des personnes qui ont été elles-mêmes impliquées ni d'un côté ni de l'autre. Alors que je le redis, ceux qui ont participé à cette commission sont tous des gens de gauche, et tous ont participé à la lutte armée contre la démocratie. Donc leur travail est partial. Fica difícil de acreditar na, vamos dizer, na de ter crédito ao trabalho deles, porque incluíram ali, incluíram pessoas. Il ne peut pas être crédible. A gente sabe que não teve nada a ver com o problema, que não estavam nem. Il y a des personnes incriminées dans les forces armées qui n'ont rien à se reprocher. Colocaram lá o brigadeiro Eduardo Gomes, que é o patrono da Força Aérea, um homem que sempre foi se caractérisou comme le général d'aviation Eduardo Gomes, sempre, inclusive no qui a toujours été un fervent défenseur de la démocratie. Ele era um dos baluartes da democracia. O trabalho para nós perdeu o crédito. A comissão não investigou. La commission de la vérité n'a pas fait un travail d'enquête complet. Deixamos de conhecer uma boa parte da história. Elle ne s'est pas penchée sur les crimes des terroristes. De pessoal legal. Il y a une partie de l'histoire qui est cachée. Então, nós não conhecemos a história em profundidade. E mais, a comissão tem um outro propósito adiante que nós sabemos. Elle propose de revenir sur la loi d'amnistie pour punir des membres des forces armées. É rever a lei da anistia e punir aqueles integrantes das forças legais que pretensamente tenham praticado crimes. Mais cette loi de 1979, e a lei da anistia, ela foi a été le fruit d'une intense négociation muito grande do entre le Congrès et les militaires. Na época com o Congresso. Grandes congressistas participaram dessa. Et la Cour suprême au Brésil da elaboração dessa lei. O Supremo Tribunal a statué Federal, sur le fait que é o órgão máximo judicial, qu'on ne peut pas revenir sur cette loi. Já disse que a lei da anistia não pode ser mexida. Ou seja, nós não nous ne pouvons pas retourner dans le passé para punir ou si nous le faisons, crime. Il faut aussi le faire si voltasse, pour aller regarder les actes de ceux qui étaient de l'autre côté. Voici le texte du communiqué retrouvé dans la voiture de l'ambassade. Au peuple brésilien, des groupes révolutionnaires ont enlevé aujourd'hui M. Elbrick et l'ont emmené dans un lieu secret de ce pays où il est retenu prisonnier. De l'autre côté, il y avait notamment le MR8, le mouvement révolutionnaire du 8 octobre, un mouvement armé marxiste formé à la fin des années 60. Son nom fait référence au jour de la mort de Che Guevara le 8 octobre 1967. Son principal fait d'armes est l'enlèvement en pleine rue à Rio le 4 septembre 1969 de l'ambassadeur des États-Unis. Un épisode raconté dans le film 4 jours en septembre, réalisé en 1997 par le cinéaste Bruno Barreto. Fernando Cabrera, aujourd'hui homme politique de premier plan, faisait partie du commando du MR8 ce jour-là. Il se souvient de son engagement contre les militaires responsables du coup d'État de 1964. Les prisonniers doivent être libérés, qu'ils aient ou non été condamnés à des peines de prison. Bon, la lutte contre la dictature était une lutte très importante. C'était une lutte pour la liberté. Mais ce n'était pas une lutte pour la liberté complètement au dehors de tous les contextes. On était dans la guerre froide. Il était nécessaire non seulement combattre la dictature, mais le système économique qui a donné raison à la dictature. À ce moment-là, on a adopté le socialisme révolutionnaire comme une alternative. Comme il était une dictature, on a adopté ici la lutte armée comme instrument. Je pense que la définition de la dictature comme l'adversaire principal et la décision de combattre la dictature était très très juste. Mais l'option pour la lutte armée était un équivoque. Et à ce moment-là, si on regarde ou si on pense dans notre vision politique, on voit qu'on n'était pas si démocrate, dans le sens que notre lutte contre la dictature n'était pas une lutte en faveur de la démocratie. Notre vision stratégique était une autre dictature, la dictature du prolétariat. C'était une dictature contre une autre dictature. Et ça, je pense qu'il était une erreur. Et ce qui a changé pour moi au cours de toutes ces années est que j'ai décidé que la démocratie pour moi, ce n'est pas une vision, c'est un moyen pour arriver à une certaine autre utopie. La démocratie, c'est les fins même. Il faut développer, il faut approfondir la démocratie. C'est mon objectif stratégique. Mais la démocratie brésilienne, c'est une jeune fille, non? Ce qu'il y a au Brésil est que la démocratie pour l'homme d'aujourd'hui, pour la femme d'aujourd'hui, elle ne demande pas des réponses pour la question du passé. Ils sont très mêlés dans la situation d'aujourd'hui. La difficulté de voir des services dignes de santé, d'éducation, de sécurité. Ils sont très mêlés dans sa vie d'aujourd'hui. Et très préoccupés avec la corruption. Et ça, c'est une chose plus importante que la discussion du passé. La discussion du passé reste entre les politiciens, les gens qui travaillent avec l'histoire, les journalistes, mais ce n'est pas une chose très, très présente dans la population aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça vous a fait de voir que la présidente, Dilma Rousseff, a incité cette commission à voir le jour, à témoigner, et que maintenant même, le nom de son tortionnaire est public? Ça n'aura aucune conséquence, c'est la vérité. On connaît déjà la vérité, on sait qu'il y a eu torture, on connaît les responsables, mais la loi qui a déterminé que la libération de tous les prisonniers, le retour de l'exilé, avait en elle un dispositif qui protégeait aussi les tortureurs. On a approuvé cette loi à ce moment-là. Et on a perçu cette loi comme une victoire à ce moment-là. Cette loi d'amnistie du 28 août 1979, c'est un peu une loi fourre-tout, comme l'explique l'historienne Mocherio. Alors, c'est une loi qui a été baptisée à tort amnistie réciproque, comme si les opposants pouvaient amnistier les militaires et les militaires les opposants. Mais en tout cas, c'est une loi qui amnistie les condamnés politiques, donc les opposants, certains, puisque au début, ceux qui étaient accusés de crimes de sang n'étaient pas amnistiés, et qui amnistie par anticipation, qui empêche les poursuites judiciaires contre les agents de l'État qui seraient suspectés d'atteinte aux droits de l'homme, d'assassinat ou de disparition politique. La transition organisée par les militaires, elle commence en 1974, donc elle commence à la moitié de la dictature. En 1974 arrive un nouveau président général, qui s'appelle le général Geisel. Les mouvements armés sont exterminés, il n'y a plus personne à poursuivre. Et à partir de cette date-là, alors que l'ensemble du continent plonge dans les années de plomb, le Brésil commence à ouvrir le régime, à supprimer la censure préalable, à se préparer au rétablissement des partis politiques, etc. Et cette politique, elle vise à maintenir une tutelle militaire sur le système politique et à protéger les militaires de toute justice de post-transition. Il y a le fait que entre 85 et 2000, le Brésil connaît un silence sur les années de la dictature. Les associations de victimes sont extrêmement isolées, extrêmement seules à vouloir remettre cette mémoire sur le devant de la scène. Elles ne sont pas suivies par les médias, par les universitaires, par le reste de la société civile. Et ce n'est qu'à partir des années 2000 que la dictature va redevenir un objet de mémoire et un objet de conflit politique. La dictature, objet de mémoire, oui, mais d'une certaine mémoire, comme le revendique le général Pimentel. O exército, ele é o mesmo de sempre. O exército sempre teve uma... Sempre foi o... Não digo o exército, digo as forças armadas. Sempre foram no Brasil a instituição l'armée de maior credibilidade. Isso aí a gente vê sempre. C'est l'armée d'hier. Tudo que foi pedido, que nós tínhamos para entregar... C'est l'armée de toujours. Entregue. Não temos esses arquivos fechados, como se diz. Notre instituição jouit d'une grande crédibilité. Que mostrar... Já mostramos. Nous n'avons pas d'archives cachées. Isso aí agora não há como, não há nous n'avons rien à montrer. Atender a um pedido et que jamais, não... jamais je ne demanderai pardon. Eu acho que jamais pediríamos, jamais. Porque como é que nós vamos pedir desculpas? Je n'ai pas d'excuses à faire à ceux qui voulaient implanter le communisme dans notre pays. Desculpa de quê? O nosso regime é o regime democrático. Nós não temos do que nos envergonhar. Nous n'avons pas honte du passé. Si 64, et si aujourd'hui, com o comunismo ameaçando, la situation se répétait, naquela época, certamente a sociedade la population de novo demanderait à l'armée d'intervenir. E nós não negamos que, na verdade, possa ter havido excesso de lado e de outro. Qu'il y a eu des excès des deux côtés. Dizer que a tortura foi institucionalizada está muito longe da verdade. Nunca houve isso. Isso eu digo. Mas de lá a dizer que a tortura était institucionalizada, jamais na minha vida non. Militar ouvi falar. En partant de ma propre carrière dans l'armée, je n'ai jamais entendu parler de cellules de détention ni de torture. Excesso houve de lado e de outro. Que les vieux militaires, les généraux actuellement, ceux qui ont été actifs pendant la dictature, tiennent ce discours sur le passé, ça ne m'étonne pas du tout, c'est la mémoire totalement dominante. La mémoire dominante, elle nie qu'il y ait eu des actes de torture et des disparitions, contre toute évidence, documentaire et de la réalité des familles, soit elle ne le nie pas véritablement, mais elle le justifie très fortement en disant que la révolution était aux portes du pays et que ces hommes n'étaient pas des victimes, mais des combattants armes à la main qui menaçaient la démocratie que les militaires défendaient. Donc cette mémoire de Pimentel, c'est la mémoire du colonel Oustra aussi, qui est une grande figure de cette mémoire militaire, et c'est la mémoire qui s'est exprimée hégémoniquement devant la commission Vérité, sans faille, avec quelques repentis qui ont admis les tortures, les disparitions. Ils sont rares, en général, c'est des gens qui ont connu une conversion religieuse et qui donc regardent de manière très différente leur passé, mais ce sont des gouttes d'eau dans la mer. Parmi les témoignages des militaires qui ont accepté de venir devant la commission de la vérité, il y en a un qui a retenu l'attention. C'est celui, en 2012, de Paolo Malaes. Ce colonel, qui était agent de renseignement, reconnaît avoir pratiqué la torture entre 1970 et 1972 comme une routine dans un centre de détention situé à Petropolis, à 70 km de Rio. Un lieu surnommé par les anciens détenus « la maison de la mort ». Vous ne niez pas l'existence de la torture ? Non. Non. Moi-même, quand j'ai commencé ma vie dans les services de renseignement, moi-même, j'ai torturé. Je ne peux pas vous mentir. Mais vous avez ensuite arrêté ? Oui, quand j'ai évolué dans ma carrière d'officier. Combien de gens sont morts dans la maison de détention ? C'est très difficile. C'est très difficile quoi ? C'est très difficile à dire combien et de dire pourquoi les détenus sont morts. Parce que la maison d'arrêt de Petropolis n'était pas sous ma seule responsabilité. Vous êtes un homme instruit, donc vous devriez savoir, même si vous n'étiez pas le seul responsable, vous devriez savoir que beaucoup de personnes sont mortes dans ce lieu. C'est difficile d'y répondre. Vous avez déjà raconté comment les corps ont disparu. Les corps ont été jetés où ? Les hommes du renseignement les faisaient disparaître et d'une façon efficace. Donc, les corps étaient jetés dans une rivière. Et vous faisiez ça souvent ? Ce n'était pas ma fonction, mais vous l'avez fait. Peut-être que je l'ai fait. Est-ce que vous étiez de ceux qui coupaient les doigts, la tête ? Qui étaient les spécialistes ? Vous aviez dit que vous faisiez cela ? Je vais être sincère, je ne veux pas vous dire des noms. Mais je n'étais pas un grand spécialiste. Il y avait des gens bien meilleurs que moi. Mais vous aussi, vous avez pratiqué ce type de torture. C'est difficile de vous dire à qui j'ai fait cela. Je voulais juste que vous me disiez le nom de quelqu'un à qui vous avez infligé cela. Oui, je comprends, mais je ne peux pas vous le dire. Donc, vous connaissiez l'identité de ces personnes, mais vous ne voulez pas les révéler. Oui, c'est possible. Coronel Paulo Malaes foi meu contemporâneo na escola. Le colonel Paulo Malaes, je l'ai connu à l'école militaire. Realmente ele trabalhou on na y área était ensemble. De inteligência durante muito tempo. Il a ensuite travaillé dans la branche du renseignement. Grande parte do que ele tenha dito, je peux croire que ce qu'il dit est vrai. No sentido do que ele praticou, mas todo mundo sabe nitidamente que o coronel mais Paulo tout le monde Malaes sait. Qu'à la fin de sa vie, le colonel Paulo Malaes n'avait plus toute sa tête. La guerre de la mémoire qu'ils ont menée depuis la transition démocratique, ces militaires, ils ont pensé pouvoir la gagner. Ils ont pensé pouvoir gagner la bataille de l'opinion publique. Et les Brésiliens ont particulièrement pensé pouvoir gagner cette guerre, beaucoup plus que les Argentins ou les Chiliens qui, assez rapidement, ont vu que l'opinion tournait en leur défaveur. Les militaires brésiliens et les policiers ont publié un nombre de témoignages, de mémoires, d'interviews qui se sont faits les uns les autres, incroyables, y compris dans les médias. Pas pour une catharsis, pour se libérer d'un passé lourd, pas du tout. Parce qu'ils veulent expliquer à l'opinion publique que les 20 années qui viennent de s'écouler ont été des années positives et nécessaires pour le pays. Et ça a été un discours et une conviction qui n'a pas sorti de la tête de ces individus depuis 30 ans. Et ils continuent de penser, et c'est très très clair quand on regarde sur Internet les témoignages des militaires face à la commission Vérité, ils continuent de penser que peut-être ils vont parler, ils vont convaincre l'opinion que leur côté, c'est une vérité qu'il faut entendre, et c'est la vérité qu'ils tentent de défendre depuis 85 et même depuis avant. Brésil, vérité sur la dictature, avec la cinéaste Lucia Mara, Wadi Damous, membre de la Commission nationale de la vérité à Rio, Victoria Grabois, membre de l'association Tortura non Camais, le général à la retraite Gilberto Rodriguez Pimentel, Fernando Gabeira, ancien membre du MR8 et auteur de Les guerrilleros sont fatigués, publié aux éditions Métayer, et Mochirio, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée. La Fabrique de l'Histoire, attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marsay. Préparation et traduction à Rio, Nolwenn Hervé et Aude Chevalier-Baumel. Prise de son, Benjamin Thuot et Dimitris Capolan. Mixage, Bruno Mourland. Réalisation, Gilles Mardi-Rossian. Un documentaire de Michel Pomarède. On a bien compris à écouter le documentaire de Michel Pomarède et Gilles Mardi-Rossian qu'il n'y a pas une vérité sur la dictature brésilienne, mais plusieurs vérités qui s'affrontent maintenant depuis 30 ans sur ces périodes de 21 ans de dictature. Voilà donc un nouvel exemple à ajouter aux mémoires impossibles des régimes autoritaires et des dictatures du XXe siècle. Comment en sortir? Comment vivre après ces longues périodes de manque de liberté? Comment comprendre les raisons de la mise en place de ces régimes, mais aussi la nostalgie que certains peuvent avoir pour ces périodes? C'est ce que nous verrons demain avec notre discussion autour du coup d'État manqué du colonel Terrero en 1981 en Espagne, et après-demain en nous demandant, dans le débat du jeudi, le lien que faisaient ces régimes dictatoriaux, par exemple, ou totalitaires, avec la démographie dans leur propre pays. Ce sera le débat de jeudi. Comme d'habitude, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire en allant sur notre site internet www.franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez écouter les émissions pendant 1000 jours, les télécharger pendant un an après leur diffusion, laisser vos commentaires sur nos pages, et vous pouvez le faire, et vous le faites très régulièrement également, mais également sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore en discutant avec nous sur le réseau Twitter.